L'autre mendi, me permenavo tout le londo. L'autre mendi, me permenavo tout le londo. Tout le londo, lulla, lulliretto, tout le londo, buessu. Tout le londo, lulla, lulliretto, tout le londo, buessu. Io rencontré une aubergère che gardavo. Io rencontré une aubergère che gardavo. Che gardavo lulla lolliretto, che gardavo su mutu. Che gardavo lulla lolliretto, che gardavo su mutu. Moubarge porte une autre chabrette au père mes fafa. Moubarge porte une autre chabrette au père mes fafa. Père mes fafa, loulola, lolirette au père mes fafa dans ça. Père mes fafa, loulola, lolirette au père mes fafa dans ça.